إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Continuons la série intitulée Les étapes de l'au-delà. Nous nous étions arrêtés lors du dernier cours sur les règles qui régissent et qui régiront le jugement, le jour dernier. On avait vu parmi ces règles la première qui était la totale justice de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième règle qui est que toute chose jugée sera consignée et comptabilisée. La troisième règle est le fait que personne, le jour du jugement, ne portera le fardeau d'autrui. Personne ne sera responsable des péchés qu'auront commis autrui, sauf si il en est la cause, directe ou indirecte. On l'avait vu également parmi les règles qui régiront le jour du jugement et le jugement le jour dernier, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala multipliera les bonnes actions. Elles seront multipliées au minimum par 10, voire par 700, voire par un multiple qui n'est connu que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous continuons avec une autre règle qui régira le jugement le jour dernier, qui est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala changera les mauvaises actions en bonnes œuvres. Et ceci nous montre l'étendue de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela nous montre à quel point la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala est parfaite. Et nous devons à ce titre réfléchir et méditer sur le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala Al-Karim, le tout généreux. Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui détient la générosité la plus parfaite. Allah Azza wa Jal dit dans Sourate Al-Furqan: Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Sauf ceux qui se repentent, croient et accomplissent des œuvres pieuses, Allah Azza wa Jal, à cela, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes œuvres, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'imam muslim rapporte dans le hadith d'Abu Dhar al-Ghifari radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inni la'a'lamu akhira ahli al-jannati dukhulan al-jannah. Je connais le dernier des habitants du paradis qui entrera au paradis. Wa akhira ahli al-nari khurujan minha. Et je connais également le dernier des habitants de l'enfer qui en sortira. Car parmi les habitants de l'enfer, il y a ceux qui séjourneront en enfer, puis en sortiront. Et il y a ceux qui y resteront éternellement, wal'ayadu billah. Quant au paradis, celui qui y entre n'en sortira jamais. Allah subhanahu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit donc dans ce hadith qu'il connaît le dernier des habitants du paradis qui entrera au paradis. Et ce dernier habitant du paradis qui entrera au paradis est la même personne et cet habitant de l'enfer qui en sortira. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Rajulun yu'ta bihi yawm al-qiyamah. C'est un homme que l'on apportera le jour du jugement, qui viendra le jour du jugement. Fayuqalu i'ridu alayhi sighara dhunubihi warfa'u anhu kibaraha. Puis il sera dit: présentez ses petits péchés et présentez-lui ses petits péchés et cachez-lui les grands. فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوبِهِ Ses petits péchés lui seront alors présentés les uns après les autres. فَيُقَالُ عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْكِرْ Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, puis il lui sera dit, c'est-à-dire à cet homme, tu as fait telle chose, tu as commis tel jour, telle chose, et tel jour, tu as fait telle chose et telle chose. Il dira oui, il ne pourra pas le nier. وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِ ذُنُوبِهِ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ Et alors que ses petits péchés lui seront présentés les uns après les autres, ce qui lui fera le plus peur, ce qu'il redoutera le plus, c'est que ses grands péchés lui soient présentés également. فَيُقَالُ لَهُ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةٍ Puis il lui sera dit, tu as pour chaque mauvaise action une bonne action. فَيَقُولُ رَبِّ قَدْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ لَا أَرَاهَا هَهُنَا فَلَقَدْ Puis, il lui sera dit, tu as pour chaque mauvaise action, une bonne œuvre. Puis il dira, ô Seigneur, il y a des choses que j'ai commises, mais que je ne vois pas ici. Puis Abu Dharr, radiyallahu anhu, a dit, فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ Puis, Abu Dharr radiyallahu anhu a dit, et j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam rire jusqu'à montrer ses molaires. Dans ce hadith, cet homme, lorsqu'il a su que ses petits péchés étaient transformés en bonnes œuvres, alors que quelques instants auparavant, ce qu'il redoutait le plus, c'était que ses grands péchés lui soient présentés également, quelques instants plus tard, le voilà dire à son Seigneur, « Ô Seigneur, il y a des choses que j'ai commis et que je ne vois pas ici. » Il a dit cette parole en espérant que ses grands péchés, eux aussi, soient transformés en bonnes œuvres. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ri jusqu'à montrer ses molaires bénis sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Parmi les règles qui régiront le jour dernier également, les différents témoignages qui seront apportés contre les gens. Allah subhanahu wa ta'ala sait absolument tout au sujet de ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne lui échappe et il n'a nul besoin d'un quelconque témoignage de qui que ce soit. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa justice parfaite, a fait en sorte que des témoins puissent apporter leur témoignage et que ces témoignages soient une preuve contre les gens. Et ces témoins sont de différentes sortes afin que la preuve soit établie de façon indéniable. Parmi ces témoins, il y aura les anges. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Qaf, وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ Chaque personne, chaque âme, chacun viendra accompagné de deux anges. L'un le guidant et l'autre témoignant. L'un le guidant, c'est-à-dire vers le lieu du rassemblement. Et l'autre témoignant, c'est-à-dire de ses actes. Parmi les témoins, il y aura également les prophètes et envoyés d'Allah, alayhimus salatu wassalam. La preuve est la parole d'Allah, azza wa jal, dans sourate An-Nisa, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا Qu'en sera-t-il lorsque de chaque communauté nous ferons venir un témoin et que nous te ferons venir comme témoin contre eux. Et nous te ferons venir, c'est-à-dire, ô toi, Muhammad, comme témoin contre eux. Et ce verset de Sourate An-Nisa avait un effet particulier sur le prophète alayhi salatu wassalam. Et pour preuve, le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qui est rapporté par Al-Bukhari Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Abdullah ibn Mas'ud de lire sur lui le Coran. Iqra alayya al-Quran. Et Abdullah ibn Mas'ud s'est étonné de cette demande du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, « Ya Rasulallah, aqra'u alayk wa alayka unzil, ô envoyé d'Allah, dois-je lire sur toi le Coran alors que c'est sur toi qu'il a été révélé ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre, « Inni uhibbu an asma'ahu min ghayri. » J'aime l'entendre d'autres que moi. Abdullah ibn Mas'ud dit, « Faqara'tu alayhi surat an-nisa. » J'ai alors lu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam surat les femmes. « Hatta ji'tu ila hadhihi al-ayah. » فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Jusqu'à atteindre ce 41e verset de Sourate An-Nisa, dans lequel Allah Azza wa Jalla a dit dans le sens du verset, qu'en sera-t-il lorsque de chaque communauté nous ferons venir un témoin et que nous te ferons venir comme témoin contre eux. À la lecture de ce verset, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdullah ibn Mas'ud, « Hasbuka al-an, cela suffit. » Yani, tu peux arrêter de lire. « Faltafattu ilayhi. » Abdullah ibn Mas'ud a alors vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a vu ses larmes couler alayhi salatu wa sallam. La preuve également que les prophètes et envoyés d'Allah alayhi salatu wa sallam seront des témoins. La parole d'Allah Azza wa Jal dans Sourate An-Nahl, Sourate les Abeilles, le verset 84. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. Mentionne le jour où de chaque communauté nous susciterons un témoin, c'est-à-dire le prophète qui leur fut envoyé. Parmi les témoins le jour dernier, il y a également la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Notre communauté, la communauté musulmane, sera une communauté qui témoignera le jour du jugement. Et le témoignage de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam interviendra lorsque les prophètes et envoyés d'Allah alayhi salatu wassalam témoigneront contre leur peuple. Et lorsque leur peuple les traiteront de menteurs et nieront le fait qu'un prophète leur a été envoyé et qu'un message leur a été adressé. De la même façon qu'ils n'avaient pas accepté leur message et qu'ils les traitaient de menteurs dans cette vie d'ici-bas, ils en feront de même, wal'iyadhu billah, dans l'au-delà. Et c'est à ce moment-là que notre communauté témoignera contre ces peuples qui auront traité de mensonge tout ce que leur prophète leur avait transmis. Allah Azza wa Jal dit dans Sourate Al-Baqarah, « وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Ainsi nous avons fait de vous la meilleure des communautés, afin que vous soyez témoins contre les hommes, et que le messager soit témoin pour vous. » Et ce qu'il éprouve également est le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, que rapporte l'imam al-Bukhari dans son sahih, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « يَجِيءُ نُوحٌ وَأُمَّتُهُ فيقول الله تعالى هل بلغت. Nuh, Noé, viendra le jour dernier accompagné de sa communauté. Et Allah subhanahu wa ta'ala s'adressera à Nuh et lui dira, هل بلغت, as-tu transmis? فيقول نعم أي ربي. Il dira, oui, ô mon Seigneur. فيقول لأمته, هل بلغكم, puis Allah Azza wa Jal dira à sa communauté, vous a-t-il transmis, c'est-à-dire le message? فَيَقُولُونَ لَا مَا جَاءَنَا مِن نَبِي. Ils diront non, aucun prophète n'est venu à nous. فَيَقُولُ لِنُوحْ مَن يَشْهَدُ لَكْ. Allah Azza wa Jal dira alors à Nuh, qui peut témoigner en ta faveur? فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمَّتُهُ. Il dira, c'est Muhammad et sa communauté. فَنَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ وَهُوَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nous attesterons, nous témoignerons qu'il aura transmis le message. Et c'est le sens de la parole d'Allah. Ainsi nous avons fait de vous la meilleure des communautés, afin que vous soyez témoins contre les hommes. Le jour dernier, il y aura également le témoignage du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Comme le prouve le verset de Sourate Al-Baqarah, وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Et que le messager, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, soit témoin pour vous. Également, soit témoin contre vous. Et également la parole d'Allah Azza wa Jal dans Sourate Al-Hajj, وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ. Afin que le messager soit témoin contre vous. Ce qui témoignera également le jour dernier, la terre qui témoignera de ce qui se sera passé à sa surface. Ainsi, le jour dernier, même les choses inertes témoigneront contre les gens. Allah Azza wa Jal a dit dans Surat Al-Zalzalah, يَوْمَ إِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا. En ce jour, elle dira ce qu'elle sait, c'est-à-dire la terre. Elle dira ce qu'elle sait, c'est-à-dire des œuvres commises à sa surface par les hommes, conformément à ce que ton Seigneur lui ordonnera. Ce qui témoignera également le jour dernier, les membres du corps. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. الله أكبر. Le jour dernier, les membres du corps témoigneront. Allah Azza wa Jal dit, en sourate Fussilat, dans le sens du verset, mentionne le jour où les ennemis d'Allah seront rassemblés en enfer et qu'ils seront réunis jusqu'au dernier. Lorsqu'ils y parviendront, leurs oreilles, leurs yeux et leur peau témoigneront contre eux de ce qu'ils commettaient. Ils diront à leur peau, pourquoi avez-vous témoigné contre nous? Elles répondront, c'est-à-dire les peaux, c'est Allah qui nous a fait parler, lui qui fait parler toutes choses. C'est lui qui vous a créé en une première fois, et c'est vers lui seul que vous serez ramenés. Le jour dernier, la personne témoignera contre elle-même. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. أو assemblée des djinns et des hommes, des messagers pris parmi vous, ne sont-ils pas venus vous exposer mes versets et vous avertir de la rencontre de ce jour? Ils diront, nous en témoignons contre nous-mêmes. La vie d'ici-bas les aura trompés, et ils témoigneront contre eux-mêmes qu'ils ne croyaient pas en Allah. Et sans aucun doute, le plus immense des témoignages, celui qui aura le plus d'impact, est le témoignage d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Il témoignera, subhanahu wa ta'ala, de toute chose, grande soit-elle ou petite. Allah, subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, l'immense, subhanahu wa ta'ala, celui qui connaît toute chose, celui dont rien n'échappe, subhanahu wa ta'ala, il dit, azza wa jal, وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quoi que tu récites du Coran, et quel que soit l'acte que vous accomplissez, nous en sommes témoins au moment où vous l'entreprenez. Rien n'échappe à ton Seigneur, fût-ce de la taille d'une fourmi, ni sur terre, ni dans le ciel. Il n'est rien, ni de plus infime, ni de plus grand que cela. C'est-à-dire que la fourmi qui ne soit consignée dans un livre explicite, qui est Al-Lawhul Mahfouz, la table gardée. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, dans le verset de Surat Fussilat, le verset 53, Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim, hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils apparaissent indéniablement que ceci est la vérité, c'est-à-dire que ce Coran est la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Ce sont les règles, mes frères et sœurs, qui régiront le jugement le jour dernier. Tout ceci afin que personne ne soit lésé, afin que personne ne puisse nier. Le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala sera parfait. Aucune injustice n'aura sa place le jour dernier. Quant à ce jugement, comment se déroulera-t-il? Les gens face au jugement seront de deux sortes. Il y a la première catégorie qui seront ces gens qui ne connaîtront ni jugement ni châtiment. Et cette catégorie de personnes est une catégorie qui est composée d'une infime partie de gens aux alentours de 70 000. Al-Bukhari Muslim rapporte selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Uridat alayya al-umam » Les communautés m'ont été présentées. Comment est-ce que ces communautés ont été présentées au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Certains savants ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu cela en rêve. D'autres ont dit que Allah subhanahu wa ta'ala l'a montré à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres savants ont dit que le prophète alayhi sallatu wa sallam a vu cela lors de son ascension pendant l'Isra ou al-Mi'raj, la nuit de l'Isra ou al-Mi'raj, la nuit du voyage nocturne et de l'ascension. Les communautés m'ont été présentées. فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرُّهَيْتُ وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ والنبي ليس معه احد. J'ai vu un prophète avec lui الرهيط. الرهيط qui est le diminutif de رهط. Et الرهط en arabe c'est un petit nombre de personnes. Certains savants ont dit que c'est entre 3 et 10. D'autres savants ont dit que c'est moins de 10 personnes. J'ai vu un prophète et avec lui une poignée d'hommes, Ar-Ruhayt. Et un prophète avec lui un homme ou deux. Et un prophète avec lui personne. Allahu Akbar. Les prophètes et envoyés d'Allah alayhi mussalatu wassalam sont les meilleures créatures. Sont les meilleures créatures après les anges. Ce sont les meilleurs des êtres humains. Allah subhanahu wa ta'ala les a choisis pour transmettre des messages. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'il a vu que des prophètes viendront le jour du jugement accompagnés d'une poignée d'hommes, certains accompagnés d'un homme ou deux et d'autres personne en leur compagnie. Pouvons-nous imaginer un seul instant que ces prophètes n'ont pas transmis le message comme ils devraient le faire? Pouvons-nous penser un seul instant que ces prophètes qui viendront avec peu de gens qui les auront suivis, ces prophètes qui viendront avec personne, est-ce que le défaut est en eux? Hacha. Cette pensée ne traverse absolument pas notre esprit, car ce sont les meilleures créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela nous montre que la vérité n'est pas associée au grand nombre. Il faut connaître la vérité et la suivre, quel que soit le nombre de suiveurs. Lorsque la vérité nous apparaît à travers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous devons nous y attacher. Nous devons nous y cramponner en faisant abstraction de combien de gens suivent cette vérité. Suis-je le seul à la suivre ou sommes-nous beaucoup à la suivre? Peu importe ce nombre, l'important c'est de connaître la vérité et de s'y attacher et de s'y cramponner. Car la quantité n'est pas un signe de vérité. La plupart des gens sur terre ne sont pas croyants, ne sont pas musulmans. Et lorsque l'on lit des hadiths comme celui-ci, cela ne fait qu'augmenter notre attachement au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Surtout dans une époque où les tentations sont de plus en plus nombreuses, dans une époque où malheureusement de plus en plus de personnes s'éloignent et dévient du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes à une époque dont nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes dans une époque où l'islam est devenu étrange. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Bada al-islam ghariba wa sayaoudu ghariban kama bada » L'islam a commencé étrange et il redeviendra étrange comme il l'a été à ses débuts. Ceux qui se cramponnent à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont traités d'extrémistes, de durs, d'arriérés, de personnes qui ne vivent pas leur époque, etc., etc. Ils sont pointés du doigt dans leur façon de s'habiller, dans leur façon d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont raillés, ils sont moqués en lisant des hadiths comme celui-ci. Cela est un message également à ceux qui appellent à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est l'une des œuvres les plus nobles, d'appeler à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'être la cause de la propagation de la science, d'enseigner aux musulmans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'ils se rapprochent de leur Seigneur, de les aider à adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, de leur donner les moyens et les outils pour s'éloigner de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la noblesse de cette tâche qui doit animer le prêcheur à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le fait de faire perdurer ce qu'ont fait les prophètes et envoyés d'Allah alayhim assalatu wassalam. Le fait d'appeler à la meilleure parole. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ. Et quelle parole est plus belle que celui qui appelle à Allah? C'est ce qui doit être la locomotive du prêcheur, de faire partie des héritiers du prophète, des prophètes et envoyé d'Allah alayhi mussalatu wassalam d'accomplir cette noble tâche d'appeler à Allah et à Allah seul, peu importe combien de personnes le suivent, peu importe combien de personnes l'écoutent, peu importe combien de personnes assistent à ses cours, à ses conférences, à ses prêches, que ces personnes soient nombreuses ou peu nombreuses, cela n'impacte pas sa persévérance. Cela ne le fait pas faiblir dans son appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Idh rufi'a li sawadun azim, fadhanantu annahum ummati, faqila li hadha Musa wa qawmuh. » Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Et c'est alors qu'on me montra une foule immense. J'ai pensé que c'était ma communauté. Il m'a été dit « C'est Moussa et son peuple. » Et cela prouve que le prophète d'Allah, Moussa, Moïse, alayhi salam, fait partie des prophètes qui ont le plus de suiveurs. « Walakin anzur ila al-ufuq, fanazartu fa'idha sawadun azim. » فقيل لي انظر الى الافق الاخر فاذا سواد عظيم فقيل لي هذه امتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. Puis il a été dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, regarde vers l'horizon. J'ai regardé et j'ai vu une immense foule. Puis il m'a été dit, regarde vers l'autre horizon, et j'ai vu une immense foule. Puis il m'a été dit, hadhihi ummatuk, celle-ci est ta communauté. Et avec eux, 70,000 qui entreront au paradis sans jugement ni châtiment. Qu'Allah Azza wa Jal fasse que l'on fasse partie d'eux. Thumma nahada fadakhala manzilah. Abu Dharr radiallahu anhu dit, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé et est parti précipitamment. فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. Puis les gens ont discuté entre eux au sujet de ces personnes qui entreront au paradis sans jugement ni châtiment. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Certains ont dit, c'est peut-être ceux qui étaient avec le prophète صلى الله عليه وسلم qui l'ont accompagné et qui sont restés auprès de lui. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله. Certains ont dit, ce sont peut-être ceux qui sont nés musulmans et qui n'ont jamais associé quoi que ce soit à Allah. وَذَكَرُوا أَشْيَاء. Et ils ont cité d'autres explications. فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti vers eux et leur a dit, فَقَالَ مَا الَّذِي تَخُوضُونَ مِنْهِ مَا الَّذِي تَخُوضُونَ فِيهِ. Quel est ce sujet autour duquel vous polémiquez. فَأَخْبَرُوهُ. Ils l'ont informé. فَقَالْ هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce sont ceux qui ne demandent pas à ce que l'on leur pratique la ruqya, ceux qui ne font pas et qui ne se basent pas sur la superstition, et ceux qui placent leur confiance en leur Seigneur. فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنْ رضي الله عنه. C'est alors que s'est levé عُكَّاشَ بْنُ مِحْصَنْ رضي الله عنه. فَقَالَ أُدْعُوا اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. Et il a dit, ô envoyé d'Allah, invoque Allah pour qu'il me compte parmi eux. فقال انت منهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu fais partie d'eux. ثم قام رجل اخر فقال ادع الله ان يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشه. Et un autre homme s'est levé et a dit, invoque Allah pour qu'il me compte parmi eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre, sabaqaka biha ukasha, ukasha t'a précédé. Ainsi, le fait de ne pas demander la ruqya. Et dans d'autres versions, wala yaktaoun. Wala yaktaoun, c'est-à-dire qu'il ne pratique pas la cautérisation. La cautérisation qui est le fait de se soigner par le feu, par la brûlure. Le fait donc de ne pas demander la ruqya, de ne pas se soigner par la cautérisation, de ne pas pratiquer la superstition, c'est-à-dire de considérer qu'une chose, que ce soit un animal ou un événement ou autre, a un impact sur le devenir d'une personne. De considérer que le vendredi 13, par exemple, porte malheur. De considérer que lorsque l'on sort et que l'on voit un chat noir traverser la route, eh bien que cela est un mauvais présage et que le mieux est de rebrousser chemin et de rester chez soi. Et ainsi de suite. Tout ceci en ayant la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. En plaçant sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ceci sont des causes qui permettent, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'entrer au paradis sans jugement ni châtiment. Concernant la ruqya, car certains pourraient se demander, et on a souvent des questions à ce sujet, concernant la ruqya. Ici, dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète alayhi salatu wa sallam a donné parmi les caractéristiques de ceux qui entreront au paradis sans jugement ni châtiment, هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ, ceux qui ne demandent pas la ruqya. Donc le fait de la demander fait en sorte que la personne ne fera pas partie de ces 70 000. Cela n'est pas interdit, mais déconseillé. Ensuite, lorsqu'une personne se voit proposer une ruqya sans l'avoir demandée, dans ce cas, il lui est autorisé de l'accepter. Il lui est autorisé de l'accepter, et en l'acceptant, cela ne l'exclura pas de ses 70 000, car cette ruqya lui a été proposée sans que lui ne l'ait demandé. Et lorsque une ruqya est proposée, le mieux est de l'accepter, lorsqu'il y a un besoin, bien sûr. Et le fait de la refuser est contraire à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car Jibril alayhi salam a fait la ruqya au prophète sallallahu alayhi wa sallam à plusieurs reprises, et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se faisaient la ruqya les uns aux autres. Jibril alayhi salam, par exemple, a fait un jour la ruqya au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit bismillahi yubrik wa min kulli da'in yashfik وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدْ وَشَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنٍ. Et Aïcha radiallahu anha a dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se plaignait de douleur ou autre, Jibril alayhi salam lui faisait la ruqya en disant « Bismillah yubrik » par le nom d'Allah qui te guérit. « وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِك » et de toute maladie il te guérit. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدْ et te protège du mal du jaloux lorsqu'il pratique sa jalousie. وَشَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنٍ et le mal de toute personne qui a le mauvais œil. C'est la première catégorie de personnes, ceux qui ne connaîtront ni jugement ni châtiment. Et il y a la deuxième catégorie, ceux qui seront jugés. Et parmi la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le fait que la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sera la première communauté à entrer au paradis et la première communauté à être jugée. Et la preuve est le hadith rapporté par l'imam Muslim dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle des bienfaits de cette communauté et notamment du jour du Jumu'ah, que le peuple juif ont le samedi, que les chrétiens avaient le dimanche et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé aux musulmans le jour du vendredi. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Nahnu al-akhirun min ahli dunya » Nous sommes les derniers, la dernière communauté parmi les habitants de cette vie d'ici-bas. وَالْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ Mais nous serons les premiers le jour du jugement à être jugés avant tous les autres. La deuxième catégorie, ce sont donc ceux qui connaîtront le jugement, qui seront jugés. Et ceux qui seront jugés sont de deux sortes également. Il y a ceux qui auront un jugement simple et aisé, et il y aura ceux qui auront un jugement dur et difficile. Quant à ceux qui connaîtront un jugement simple et aisé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude d'invoquer dans ses prières alayhi salatu wa sallam en disant « Allahumma hasibni hisaban yasira »« Oh Allah, juge-moi d'un jugement simple et aisé. » Qu'est-ce que le jugement simple? Le jugement simple, c'est le fait, comme on l'a vu dans le premier cours sur le jugement, ce sont ceux pour lesquels le cas ne fera pas l'objet d'un débat, mais la personne se verra présenter ses péchés, la personne se verra présenter ses actes, puis Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera. C'est al-hisab ul-yasir. La preuve est le hadith de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, qui a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire yudna al-mu'minu yawm al-qiyamati min rabbihi hatta yada'a alayhi kanafah fayuqarriruhu bidhunubih. Le croyant sera rapproché de son Seigneur le jour du jugement et Allah le mettra à l'abri des regards. فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ Il lui fera avouer ses péchés. فَيَقُولُ هَلْ تَعْرِفْ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّي أَعْرِفْ قَالَ فَإِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَإِنِّي أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمِ فَيُعْطَى صَحِيفَةَ حَسَنَاتِهِ وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيُنَادَى بِهِمْ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ Allah Azza wa Jalla lui fera avouer ses péchés. Il lui dira « Sais-tu ?» Il répondra « Oui, Seigneur, je sais. » C'est-à-dire « Sais-tu tout ce que tu as fait ?» Il dira « Oui, Seigneur, je sais. » Et Allah Azza wa Jalla lui dira « Je les ai cachés pour toi dans cette vie d'ici-bas. » C'est-à-dire, j'ai fait en sorte que personne n'en ait connaissance dans cette vie d'ici-bas. Ses péchés sont restés secrets. Wa inni aghfiruha laka al-yawm. Et je te les pardonne aujourd'hui. Il lui sera donné son registre de bonnes actions. Puis il lui sera donné son registre de bonnes actions. Ce qui lui permettra de rentrer au paradis après les étapes que l'on verra par la suite. Quant à ceux qui n'auront pas cru en Allah Azza wa Jal, quant aux hypocrites, ils seront appelés devant tout le monde. Et il sera dit, « Ha'oula illadhina kathabu ala Allah » Ce sont eux qui ont menti au sujet d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sera donc clément envers les croyants et fera en sorte que leur jugement soit simple, c'est-à-dire que leurs actions leur soient présentées. Ils les reconnaîtront, puis Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonnera. Et dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète alayhi salatu wa sallam nous informe que Allah subhanahu wa ta'ala le mettra à l'abri des regards. C'est-à-dire que cette conversation qu'Allah azza wa jal aura avec son serviteur croyant, elle ne sera pas à la portée des gens. Ils ne pourront ni la voir, ni voir cette personne, ni entendre cette conversation, ni entendre les péchés qu'il reconnaît et qu'il avoue avoir commis. Et ceci est partie de la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le hadith de Aïcha rapporté par Al-Bukhari Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Laysa ahadun yuhasabu yawm al-qiyamati illa halak » Toute personne qui sera jugée le jour dernier connaîtra la perdition. فقلت يا رسول الله ليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا عائشة رضي الله عنها dit envoyé d'Allah, Allah n'a-t-il pas dit dans le Coran quant à celui qui se verra remettre son registre de sa main droite, alors il sera jugé d'un jugement facile. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu إنما ذلك العرض وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب وفي رواية إلا هلك. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué à Aïcha radiallahu anha en lui disant ceci est la présentation. إنما ذلك العرض. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il parle du jugement facile, c'est-à-dire la présentation, lorsqu'Allah Azza wa Jal va présenter les actes aux croyants uniquement, sans débattre avec lui. وَلَيْسَ أَحَدٌ يُنَاقَشُ الْحِسَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا عُذِّبِ. Quant à celui dont le cas fera l'objet d'un débat, alors il sera châtié, et dans une version, il connaîtra la perdition. C'est-à-dire qu'il terminera en enfer. Et certains savants ont dit qu'il sera châtié, c'est-à-dire que cette situation dans laquelle il devra débattre avec Allah subhanahu wa ta'ala sur ce qu'il a commis, et qu'Allah azza wa jal lui demandera pourquoi, comment, le message ne t'était-il pas parvenu, etc., etc., que ceci sera un châtiment en soi. Et d'autres savants ont dit qu'il y aura deux châtiments, que c'est le châtiment du débat qui se finira, wal'iyadhu billah, en enfer. Ceci concernant le jugement facile. Et on va s'arrêter ici aujourd'hui, inshallah ta'ala, et on continuera la semaine prochaine avec le jugement difficile et ce que cela signifie. Wallahu a'lam. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين